toi aussi tu te poses des questions sur le sens de ta vie, de tes tentations. Tu te demandes où tu finiras, la nuit dans tes rêves fortes, les chiens à boire. Tes jours sont des éternités, le temps précieux que pas pour toi, ils sont comptés. Si tu vois ton futur qui s'enfuit, tu te retrouves en proie à la folie. Seul, comme celui qui n'a plus rien. Seul, ton sort entre les mains. Seul, avec ceux qui ont perdu. Seul, en les portures de ma se sont fermées, lourdes vérités pas faciles à porter. Les délires que ta mémoire brandit, tes mains sur les barreaux, le ciel te punit. Pour des actes et façons jurées, où sont tous ceux qui comme toi sont tombés. La chance a passé son chemin, la justice approchée, elle t'oubliera demain. Seul, comme celui qui n'a plus rien. Seul, ton sort entre les mains. Seul, avec ceux qui ont perdu. Seul, oh, si seul. S'accroche ta mémoire sur ces feux quand tombe la nuit, des mots que tu écris s'enchaînent à l'infini. Et quand le soleil brillera, lorsque tu auras gravi ta dernière croix, n'oublie pas ces mots pensés tout bas, ils t'aideront à bâtir ce que tu n'avais pas. Seul, comme celui n'a plus rien. Seul, ton sort entre les mains. Seul, avec ceux qui ont perdu. Seul, oh.